Puis il y eut un silence. Ils n'entendaient que le craquement du sable sous leurs pieds avec le murmure de la chute d'eau. Car la Seine, au-dessus de nos gens, est coupée en deux bras. Celui qui fait tourner les moulins dégorge en cet endroit la surabondance de ses ondes pour rejoindre plus bas le cours naturel du fleuve. Et lorsqu'on vient des ponts, on aperçoit, à droite sur l'autre berge, un talus de gazon que domine une maison blanche. À gauche, dans la prairie, des peupliers s'étendent, et l'horizon, en face, est borné par une courbe de la rivière. Elle était plate comme un miroir. De grands insectes patinaient sur l'eau tranquille. Des touffes de roseaux et des joncs l'abordent inégalement. Toutes sortes de plantes venues là s'épanouissaient en boutons d'or, laissaient pendre des grappes jaunes, dressaient des quenouilles de fleurs amarantes, faisaient au hasard des fusées vertes. Dans une anse du rivage, des nymphéas s'étalaient. Et un rang de vieux saules, cachant des pièges à loups, était, de ce côté de l'île, toute la défense du jardin. En deçà, dans l'intérieur, quatre murs à chaperons d'ardoise enfermaient le potager, où les carrés de terre, labourés nouvellement, formaient des plaques brunes. Les cloches de melon brillaient à la file sur leur couche étroite. Les artichauts, les haricots, les épinards, les carottes et les tomates alternaient jusqu'à un plant d'asperges qui semblait un petit bois de plumes. Tout ce terrain avait été, sous le directoire, ce qu'on appelait une folie. Les arbres, depuis lors, avaient démesurément grandi. De la clématite embarrassait les charmilles, les allées étaient couvertes de mousse, partout les ronces foisonnaient. Des tronçons de statues émiettant leurs plâtres étaient là sous les herbes. On se prenait, en marchant, dans quelques débris d'ouvrages en fil de fer. Il ne restait plus du pavillon que deux chambres au rez-de-chaussée avec des lambeaux de papier bleu. Devant la façade s'allongeait une treille à l'italienne où, sur des piliers en briques, un grillage de bâtons supportait une vigne. Ils verrent là-dessous tous les deux, et comme la lumière tombait par les trous inégaux de la verdure, Frédéric, en parlant à Louise de côté, observait l'ombre des feuilles sur son visage.